et 6. Leçon 1, page 68. Alphabétisation. À quoi servent mes poèmes si ma mère ne sait me lire? Ma mère a 20 ans, elle ne veut plus souffrir. Ce soir, elle viendra épeler mes lettres et demain, elle saura écrire émancipation. À quoi servent mes poèmes si mon père ne sait me lire? Mon père a 100 ans, il n'a pas vu la mer. Ce soir, il viendra épeler mes lettres et demain, il saura lire dignité. À quoi servent mes poèmes si mon copain ne sait me lire? Il a vécu dans les prisons, mon copain n'a pas d'âge. Ce soir, il viendra épeler mes lettres et demain, il saura crier liberté. Rachid Boudjedra. Soweto. Dis-moi, quel triste désert nous assiège. Bruit des pas et bruit des armes. Le long des jours, le long des nuits. Quelles armes nous bercent? Quel sang, quel cri. Derrière les barbelés, à chaque pas, à chaque geste. Les pas, les bottes sur ma terre. Dis-moi combien d'enfants sont morts à Soweto. Les pleurs dans la nuit du silence, la nuit amère et l'instant nominal de l'Holocauste. Le feu, le sang partout dans les rues de Soweto où l'horizon s'habille de deuil et sème la haine. Paul Dakeyo. Le déserteur. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise. Je m'en vais déserter. Boris Vian. Courage. Paris a froid, Paris a faim. Paris, ma belle ville, fine comme une aiguille, forte comme une épée, ingénue et savante, tu ne supportes pas l'injustice. Pour toi, c'est le seul désordre. Tu vas te libérer, Paris, Paris tremblant comme une étoile, notre espoir survivant. Tu vas te libérer de la fatigue et de la boue. Frères, ayons du courage. Nous qui ne sommes pas casqués, ni bottés, ni gantés, ni bien élevés, un rayon s'allume en nos veines. Notre lumière nous revient. Les meilleurs d'entre nous sont morts pour nous. Et voici que le sang retrouve notre cœur. Et c'est de nouveau le matin, un matin de Paris, la pointe de la délivrance, l'espace du printemps naissant. Paul Éluard. Leçon 2, page 71. Dialogue entre le directeur d'une chaîne de magasins et un responsable de l'association Lire et Faire Lire. J'ai une idée. Folle ou raisonnable? Les deux. Tu veux changer le monde? Alors utilisons le monde tel qu'il est. Il faut créer une marque sociale. Pardon? Quand tu achètes un produit de marque, tu verses des royalties aux actionnaires de ces entreprises. Eh bien, une marque sociale permettrait de verser des royalties à des associations. Tu veux faire du commerce éthique? Non, aller plus loin. Le commerce éthique enrichit des entreprises privées classiques. Ça reste souvent une ruse marketing. Une marque sociale, elle, appartiendrait à 100% au tissu associatif. Je souhaite développer une marque qui ait du sens et qui crée de la valeur avec du sens. Quand? Tout de suite. Avec Lire et Faire Lire. Qui gagnera, l'association ou ton magasin? On crée une gamme de fournitures scolaires pour les écoliers sous la marque Lire et Faire Lire pour financer le boulot de l'association. Elle percevrait 6% du chiffre d'affaires avec un minimum annuel garanti de 100 000 euros. Quel intérêt as-tu à faire cela? Pour l'image de mon magasin, c'est excellent. Pour les salariés aussi, puisque les vendeuses et vendeurs participeront au recrutement des bénévoles. Financièrement, j'y perds. mais ça crée une dynamique intelligente. Alors pourquoi veux-tu faire ça ? Pour pérenniser votre action et parce que je suis séduit par la démarche du relais civique. Je vous aide au début parce que vous n'y connaissez rien. Ensuite, ce sera à vous de vous approprier cette marque, de la gérer. Je trouve ça bizarre, cette idée, mélanger l'associatif et le commercial. Quand un enfant achète un produit, tu préfères qu'il enrichisse les actionnaires d'une marque commerciale ? Tu trouves ça plus moral ? De toute façon, il faudra bien que les enfants achètent des cartables et des trousses à la rentrée. Autant que cet acte ait du sens. Je vais y réfléchir.